standing, alors que tu es debout, just open your mouth and invite the Holy Spirit to come. Ouvre tout simplement ta bouche et invite le Saint-Esprit. Ask him to make a difference in your life this evening. Demande-lui de faire la différence dans ta vie ce soir. Tell him you don't want to go from this place as you came. Dis-lui que tu ne veux pas partir de cet endroit tel que tu es venu. Tell him you are expecting a touch. Dis-lui que tu t'attends à un toucher. Talk to him tonight. Just speak to him from your heart. Parle-lui ce soir. Parle-lui de ton cœur. Ask him to talk to you personally tonight. Demande-lui de te parler personnellement ce soir. Yes, Lord, Father, thank you. Thank you for this time that we can spend with you. Thank you for the grace that you have bestowed on us, O God, to come into your presence. Father, who are we that you are mindful of us? Father, you stretch out your hand each time we come, Lord, to meet us at the point of our need. I want to say we are grateful. Hide us in your arms, O God. Deliver us from evil, from every evil plan of the enemy. Keep us safe, O God, that we may come again and again into your presence. Holy Spirit, I thank you for this privilege that you've given me yet again to be alive and to be able to declare your works. Father, I pray that each one present here tonight will receive with humility your word. Your engrafted word, your word that gives life, your word that brings light. Father, thank you that you deliver us over and over again from our foolishness. Thank you for the spirit of wisdom, the spirit of revelation, the spirit of knowledge, the spirit of the fear of God that is upon us each time we gather in your presence. Holy Spirit, have your way. Speak to our hearts, we pray. In Jesus' name, amen. Hallelujah, please be seated. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Remind me next week, I'm going to teach you a song. Appelez-moi la semaine prochaine, je vais vous apprendre un chant. Not this week, next week. Pas cette semaine, la semaine prochaine. Amen. Amen. Well, it's good to see all of you here tonight. C'est bien de vous voir tous ici ce soir. Amen. Amen. We're talking about humility. Nous parlons de l'humilité. I think a lot of us need humility. Et je pense que plusieurs d'entre nous ont besoin d'humilité. We are proud without even knowing it. Nous sommes orgueilleux sans même le savoir. And that's the most dangerous type of pride. Et ça, c'est le type d'orgueil le plus dangereux. The idiopathic pride. L'orgueil idiopathique. Amen. Amen. The one that has no cause. Cet orgueil qui n'a pas de cause. They're just proud, and there's no reason for you to be proud. Tu es juste orgueilleux. Il n'y a pas de raison pour laquelle tu dois être orgueilleux. You are not beautiful. Tu n'es pas belle. You are not rich. Tu n'es pas riche. You are not special. Tu n'es pas spécial. You are not talented. Tu n'es pas talentueux. You are just proud. Tu es juste orgueilleux. It's very sad. C'est très triste. Isn't it? N'est-ce pas? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So God is trying to deliver us. Alors Dieu essaie de nous délivrer. From pride. De l'orgueil. Tell your neighbor, I hope you are not the one. Dis à ton voisin, j'espère que c'est pas de toi qu'il s'agit. Amen. Amen. We have looked at pride in the lives of some personalities. Nous avons regardé l'orgueil dans la vie de certaines personnalités dans la Bible. Do you remember the first person we looked at? Vous vous souvenez de la première personne? Who was the first person? Qui était la première? Who? Qui? Lucifer. Lucifer. Who was the second person? Qui était la deuxième? You like that one, eh? The way you say Vashti, Vashti. J'aime ça, hein? Quand tu dis Vashti, Vashti. Vashti can also be a man. Vashti peut aussi être un homme. Amen. Amen. If you think the message was just for the ladies, you are wrong. Si vous pensez que le message est seulement pour les filles, vous êtes perdu. Amen. Amen. Tonight we're going to move on and look at pride in ce soir, somebody who was also well placed. Nous allons regarder l'orgueil dans la vie de quelqu'un qui était aussi bien positionné. Hallelujah. Hallelujah. He was a king. C'était un roi. And normally, if you are a king, you will expect the king to be proud. Normalement, si tu es orgueilleux, on s'attend à ce que si tu es roi, on s'attend à ce que tu sois orgueilleux. Because you are powerful. Parce que tu es puissant. You are rich. Tu es riche. You may not be handsome, but you have power. Tu peux ne pas être beau, mais tu as le pouvoir. Amen. And once you have power, you can do what you like. Et quand tu as le pouvoir, tu peux faire ce que tu veux. Isn't it? N'est-ce pas? So he was a proud man. We're going to look at what it means to be puffed up like Nebuchadnezzar. Nous allons voir ce que ça signifie d'être enflé d'orgueil comme Nebuchadnezzar. Ask your neighbor, do you know somebody like that? Somebody called Nebuchadnezzar. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais quelqu'un qui est comme Nebuchadnezzar? Amen. Amen. Do you have any friends called Nebuchadnezzar? Est-ce que tu as un ami appelé Nebuchadnezzar? Maybe Bertin. Maybe if you have a son. Bertin, peut-être tu as un fils. You can call him Nebu. si tu peux peut-être l'appeler Nebu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Boubou. All right, we're looking at Daniel chapter 4. Regardons Daniel chapitre 4. Amen. Amen. I'm sure some of you never knew there was somebody like that in the Bible. Je suis sûr que certains d'entre vous ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un comme ça dans la Bible. All right. So if you look at verse 1, it introduces by telling you about Nebuchadnezzar. Si vous regardez le verset 1, ça introduit ce dont je vous parle par rapport à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar the king unto all people, nations and languages that dwell in all the earth. Peace be multiplied unto you. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Amen. So I just wanted you to know who we are talking about. Je voulais juste que vous sachiez de qui on parle. He was a very proud man. C'était un homme très orgueilleux. And he got prouder and prouder as the days went by. Et il est devenu de plus en plus orgueilleux alors que les jours avançaient. Amen. Amen. So we want to find out what happened to him as he was exhibiting pride. Nous allons découvrir ce qui lui est arrivé alors qu'il manifestait l'orgueil. Okay. The first thing that we know about Nebuchadnezzar is that he was proud because he did not listen to the prophets and to the men of God. La première chose qu'on connaît concernant Nebuchadnezzar, c'est qu'il était orgueilleux parce qu'il n'a pas écouté les prophètes et les hommes de Dieu. Verse 22 and going. Verset 22. And we start reading from, yeah, okay. It is thou, O king, thou art grown and become strong, for thy greatness is grown and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth. And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven and saying, hew the tree down and destroy it, yet leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet with dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field till seven times pass over him. This is the interpretation, O king. Daniel was interpreting the king's dream. This is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High, which is come upon my lord the king, that they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass and oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and seven times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. Verse 26. And whereas they commanded the leaf to leave the stump of the tree, of the tree roots, thy kingdom shall be sure unto thee, after that thou shalt have known what the heavens do rule. Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by showing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. Daniel 4, verset 22. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu connaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Amen. Amen. The story is that the king was becoming greater and greater and he had a dream. L'histoire nous montre que le roi devenait de plus en plus grand et il a eu un rêve. And Daniel interpreted the dream. Et Daniel a interprété le rêve. But at the end of the interpretation, verse 27 says, he says, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by showing mercy, if it may be a lengthening of thy tranquility. If you want peace, these are the things you should do. Verset 27, Daniel lui dit, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux. Si tu veux la paix, c'est ce que tu dois faire. Amen. Amen. And the king, because he was king, did not listen to the voice of the prophet. Et parce que le roi était roi, il n'a pas écouté la voix du prophète. You are proud when you don't listen to your pastors. Tu es orgueilleux quand tu n'écoutes pas ton pasteur. Amen. Amen. You say because I'm a pastor, that's why I'm saying that. Vous direz parce que c'est parce que je suis pasteur que je dis ça. It's true. C'est vrai. But it's also true that the word of God says. Il est aussi vrai que la parole de Dieu dit. That you should listen to your prophets. Que vous devez écouter vos prophètes. If you want things to go well with you, if you want things to go a certain way with you. Si vous voulez que les choses réussissent pour vous. You must listen to your pastors. Vous devez écouter vos pasteurs. Amen. Amen. Is it Deuteronomy? Is it 2020? Is it Second Chronicles 2020? Deux Chroniques 2020. Ah, okay. Hey. I see. Amen. Amen. The Bible says that if you want a certain blessing to come upon you, the second part. La deuxième partie du verset. Read it. Confiez-vous. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. There is a certain trust you must have for your men of God. Il y a une certaine confiance que vous devez avoir en vos hommes ou vos femmes de Dieu. Amen. Amen. If you want a certain kind of success. Si vous voulez un certain genre de succès. Amen. Amen. Some of you are so proud. Certains d'entre vous, vous êtes très, tellement that orgueilleux. When the pastor advises you, que quand le pasteur vous donne un conseil, you get annoyed. Vous vous énervez. You get angry. Vous vous mettez en colère. And start talking. Et vous commencez à parler. First of all, like I said at the beginning, you don't have anything to be proud of. Premièrement, comme j'ai dit au début, tu n'as rien pour être orgueilleux. You are a small boy and a small girl. Tu es un petit garçon ou une petite fille. You don't even pay your own school fees. Tu ne payes même pas tes propres frais de scolarité. You don't even pay your own electricity bill. Tu ne payes même pas tes propres frais d'électricité. Tu ne payes pas ton électricité. C'est quelqu'un d'autre qui paye ça pour toi. But because you have a key to a door, you think that you are also a landlord. Et parce que tu as la clé d'une porte, tu penses aussi que tu es propriétaire. And you can decide I'm going home at midnight. Nobody can talk to me. Nobody. Et tu peux décider je vais à la maison à minuit, personne so ne peut because me parler. Of that, you feel that you're also somebody. Et à cause de ça, tu penses que tu es aussi quelqu'un. to your neighbor, you are proud for nothing. Dis à ton voisin, tu es orgueilleux pour rien. You're proud for nothing. Somebody who has a little more experience is giving you advice. Quelqu'un qui a un peu plus d'expérience te donne des conseils. But because you think you are king. Mais parce que tu penses que tu es roi. Of your little room. De ta petite chambre. In Alajo inside. Ah, Alajo inside. You feel that nobody should tell you what to do. Tu te dis personne ne doit me dire ce que je devrais faire. Nobody. Personne. How dare you? Comment est-ce que tu oses? Who do you think you are? Qui est-ce que tu crois être? Today I sent somebody a message. I was just giving her some advice. Aujourd'hui, j'envoyais un message à quelqu'un. Je lui donnais juste des conseils. And she wrote back saying, "Thank you so much. Thank you so much." I said, "Ah." Et elle m'a écrit en disant, "Merci beaucoup, merci why beaucoup." Why are you thanking me so much? Et j'ai dit, pourquoi tu me remercies tant? She said, "Not everybody has pastors like Lighthouse pastors who are concerned about you and treat you like their own child." Et elle a dit, c'est pas tout le monde qui a des pasteurs comme les pasteurs de Lighthouse qui se soucient de ton bien-être et te traitent comme leur propre enfant. And I said to her, "Wow." J'ai dit, "Wow." Not everybody sees it like that. Et c'est pas tout le monde qui voit ça comme ça. A lot of people see it as interference. Plusieurs personnes voient ça comme des interférences. Like you are entering into that's private. Ils disent c'est privé. Out of limits. C'est hors des limites. You can talk about preaching, you can talk about the Bible, but when it comes to my personal life, I don't want you to go there, okay? Tu peux parler des prédications, tu peux parler de la Bible, mais quand il est question de ma vie privée, je veux pas que tu y ailles, okay? But this is somebody who appreciates the counsel. Mais ça c'est quelqu'un qui apprécie les conseils. Amen. Amen. Appreciates the counsel and sees it as counsel. Cette personne apprécie cela et voit ça not comme as des conseils. Interference. Pas comme s'ingérer. Somebody else you give a piece of advice to. Do you know what they do? Quelqu'un d'autre à qui tu donnerais des conseils. Est-ce que tu vous savez ce que la personne they va faire? They go to their friend and say, "Hey, do you know what Lady Pastor said?" Ces personnes vont vers leurs amis en disant, "Hey, tu sais ce que Lady Pastor a dit?" Immediately you know that the person does not respect your counsel. Immédiatement tu sais que la personne ne respecte pas ton has conseil. Has no regard for your counsel. N'a aucun respect pour tes conseils. Amen. Amen. The Bible says that if you want to succeed in a certain way, et la Bible dit si tu veux réussir dans un certain sens, you must trust your prophets. Tu dois te confier. Trust the men of God. Trust the people God has put over you spiritually. Aux prophètes, aux hommes de Dieu, les personnes que Dieu a établies au-dessus de toi spirituellement. Sometimes we don't know what we are even saying. We just speak. Parfois, nous ne savons même pas ce que nous disons. Nous parlons tout simplement. Not knowing that it's a prophetic word for you. Ne sachant pas que c'est une parole prophétique pour toi. Sometimes it's a piece of advice that can change your destiny. Parfois, c'est un conseil qui peut changer ta destinée. But because you have no regard for the person, mais parce que tu n'as office, aucun respect pour la personne ou pour l'office, you disregard the counsel. Tu méprises le conseil. The king said, "I am king, you are just a prophet. Le roi dit, I brought you from slavery. Je suis roi, tu n'es qu'un prophète. Je t'ai emmené de l'esclavage. C'est moi qui t'ai établi. Et toi, tu es pasteur. Est-ce que ce n'est pas mon Galates 6:6 que tu bénéficies? Est-ce que ce n'est pas avec mon offrande qu'on te paye? If I don't pay my tithe, you will not be paid. Si je ne paye pas ma dîme, tu ne seras pas payé. Yeah. It's true. C'est vrai. If you don't pay your tithe, I don't get paid. Si tu ne payes pas la dîme, je ne serai pas payé. Look at your tithe. Mais regarde ta dîme. How many times will you have to pay tithe for me to be paid? Combien de fois est-ce que tu dois payer la dîme pour que je sois payé? Amen. Amen. And yet you are proud. Et tu es orgueilleux. Yeah. You are proud when you don't listen to the spiritual leaders over your life. Anybody in authority, you are proud. Tu es orgueilleux quand tu n'écoutes pas les leaders spirituels dans ta vie. Toute personne en autorité. Amen. Amen. That's what it means to be proud. Est-ce que ça signifie être orgueilleux? You don't listen to warnings. Tu n'écoutes pas les avertissements. Stop what you are doing. Arrête ce que tu fais. What you are doing is not good. Ce que tu fais n'est pas bien. Change the way you are behaving. Change la manière à laquelle tu te comportes. Don't behave like this. Ne te comporte pas you comme are ça. A girl. Tu es une fille. Don't do that. Ne fais pas ça. You are a man. Tu es un homme. Behave yourself. comporte-toi bien. And then you get offended. Et tu es offensé. You have no respect for the office. Tu n'as aucun respect pour l'office. And it's a sign of pride. Et c'est un signe d'orgueil. You don't know any better. Tu ne connais pas mieux. If you knew better, you would not be where you are today. Si tu connaissais mieux, tu ne serais pas où tu es aujourd'hui. You would not have the problems you have today. Tu n'aurais pas les problèmes que tu as aujourd'hui. Like Lady Pastor said, do you know that where you are today is a result of all the decisions you've taken? Comme disait Lady Pastor, est-ce que tu sais que où tu te trouves aujourd'hui, c'est le résultat de toutes les décisions que tu as eu à prendre? Do you know that? Est-ce que tu savais ça? I'm asking you. Est-ce que tu sais ça? Gaston, do you know that? Est-ce que tu sais ça? Yeah. And where you will be tomorrow also will depend on the decisions you take today, Morgan. Et où tu vas te trouver demain dépend des décisions que tu vas prendre aujourd'hui, Morgan. Amen. Amen. So listen to counsel. Alors écoutez les conseils. Listen to advice. Écoutez les conseils. Amen. Amen. It will help you. Ça va vous aider. Amen. Amen. I hope somebody is listening to me today. J'espère que quelqu'un m'écoute ce soir. Yeah. When you try to speak to somebody who feels they are something, you can tell. Quand tu essaies de parler à quelqu'un qui pense qu'elle est quelque chose, ça peut se voir. La personne te regarde. Okay. And you know that as soon as they leave your presence. Et tu sais que dès que la personne quitte ta présence, your words mean nothing. Tes paroles ne signifient rien. You are proud. Tu es orgueilleux. Yeah. Oui. Especially when you didn't ask for the advice. En particulier si tu n'as pas demandé de conseil. You didn't go and ask for advice and then the pastor just called you and said, "Oh, I'm advising you." Tu n'as pas demandé de conseil, le pasteur t'appelle tout simplement et te dit je te conseille. Where is that from? Et tu te dis à quoi ça sert? Pourquoi ça? Why is she telling me that? Pourquoi elle me dit ça? Maybe somebody told her something. Peut-être que quelqu'un lui a dit quelque chose. Even if somebody told me something. Même si quelqu'un m'a dit and quelque I have chose. Called you and I said, come, je t'ai appelé, j'ai dit viens, j'aimerais te parler. This. Ça. Do this. Fais ça. And don't do this. Mais ne fais pas ça. Why should you be offended? Pourquoi est-ce que tu dois être offensé? It's because you are proud. C'est parce que tu es orgueilleux. Yeah. You are proud. Tu es orgueilleux. Amen. Amen. And you will not succeed. Et tu ne réussiras pas. Bible says pride comes before a fall. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. When you exhibit pride, expect a fall to come. Quand tu manifestes l'orgueil, attends-toi à une chute. Amen. À la chute. Amen. You are puffed up like Nebuchadnezzar. Tu es enflé d'orgueil comme Nebuchadnezzar. When you think it's your own achievements that have gotten you where you are. Quand tu penses que ce sont tes propres accomplissements qui t'ont amené où tu te trouves. Look at verse 30. Verset 30. Of the same chapter. Du même chapitre. It says, the king spake and said, is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? That is how the king felt. It's like, c'est comme ça que le roi s'est senti. I am a great king. En se disant, je suis un grand roi. And under my leadership, the kingdom is growing. Et sous mon leadership, le royaume grandit. So I have made an effort. Alors j'ai fait des efforts. I have done something. J'ai fait quelque chose. Maybe to say that, oh, because I'm the one leading the choir is working. Si quelqu'un va par exemple dire, c'est parce que je dirige la chorale. Elle réussit. I am the leader of the emeralds. So the emeralds, you see, the emeralds are working. Quelqu'un dira, je suis le leader des émeraudes. Vous voyez, les émeraudes travaillent. Ça marche. The diamonds, the last time they sang, it was okay. Et même la dernière fois qu'ils ont chanté, ça allait. And what's the other one? The sapphires. Et les saphirs. The sapphires, when they sing, nobody understands what they're saying. Et quand les saphirs chantent, personne ne comprend ce qu'ils chantent. You can easily become proud. Tu peux facilement devenir orgueilleux. And think that it's your own accomplishment. Et penser que ce sont tes propres accomplissements. It's like, oh, when I drum, there is rhythm. Et quelqu'un dira, quand je joue à la batterie, il y a le rythme. When I drum, people come forward to dance. Quand je joue à la batterie, les gens viennent devant pour danser. When I lead praise and worship, there is ambiance. Quand je dirige la louange et l'adoration, il y a de l'ambiance. But this dead service praise and worship, I don't understand. Mais cette louange et adoration du troisième service, je ne vois rien. I don't understand what they are doing. Je ne comprends pas ce qu'ils font. I don't know why Lady Pastor won't call some of us. Je ne sais pas pourquoi Lady Pastor n'appelle pas certains d'entre nous. If she gives us the micro, if she gives me the microphone. Si elle me donne le micro. Hey. Ça tient. Ça tient. It's pride. C'est l'orgueil. It's pride. C'est l'orgueil. And you can try and quote it in a very nice way. It's like, oh, I'm available. I'm available, but don't call me. Tu peux essayer de mettre ça sous une jolie forme, du genre, oh, je suis disponible, mais ils ne m'appellent pas. They never call me. Ils ne m'appellent jamais. The same people. Toujours les mêmes personnes. I don't understand. Je ne comprends pas. They say you don't want to do anything in church, but if you want to do something in church, they won't call you. Ils disent qu'on ne veut rien faire à l'église, mais quand tu veux aussi faire quelque chose, ils ne t'appellent pas. It's a form of pride. C'est une forme d'orgueil. Amen. You Amen. Said, but, have I not built the kingdom? Is it not because of my decisions? Il dit, est-ce que c'est pas à cause de mes décisions? That the kingdom is great. Que le royaume est grand. He said, when is Lady Pastor going to do another shifting? Because I think I'm ready. Et la personne se dit, quand est-ce que Lady Pastor va faire d'autres changements? Parce que je pense que je suis prêt. A new shepherd. I think she needs some new shepherds in the system. Je pense qu'elle a besoin de nouveaux bergers dans le système. See, since the others left, the chairs are empty and. Depuis que les autres sont partis, les chaises sont vides. So we need some new shepherds, some new. On a besoin de nouveaux bergers. I can do something. Je peux faire quelque chose. Maybe you can. Peut-être tu peux. But your attitude is all wrong. Mais ton attitude est mauvaise. What has Jesus done? He's sitting on the right hand of the Father, peacefully interceding for us. Somebody has had an accident, you say Jesus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est assis à la droite du Père. Quelqu'un a eu un accident et vous dites Jésus. Amen. Amen. Yeah. The Bible says in 1 Corinthians 4, verse 7. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Says, what have you that you did not receive? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? What have you that you did not receive? Qu'as-tu que tu n'as reçu? And if you received it, why are you behaving as though you didn't receive it? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te comportes comme si tu n'avais pas reçu? What do you have that you haven't received? The ability to play the keyboard. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? La capacité de jouer au piano, c'est un don. I have taken piano lessons before. J'ai pris des cours de piano. But I don't play the piano. Mais je ne joue pas au piano. Maybe I don't have the gift. Peut-être que je n'ai pas le don. Maybe I was just lazy, I didn't rehearse. Peut-être que j'étais paresseuse, je n'ai pas répété. But if you can play, it doesn't mean that it's a great achievement. Et si tu peux jouer, ça ne signifie pas que c'est un grand accomplissement, c'est un don. That you have to be grateful about. Et tu dois être reconnaissant. You can sing and so what? Tu peux chanter et alors? I can sing, and so what? Je ne peux pas chanter et alors? But I can sing the name of Jesus. Je peux chanter au nom de Jésus. Next week I'm teaching you a song. La semaine prochaine, je vous apprends un chant. Maybe even two. Peut-être même deux. Yeah. What have you that you did not receive? Qu'est-ce what? Que tu as que tu n'as what? Pas reçu? Quoi? What? Is it your name? Est-ce que c'est ton nom? Did you choose your name from heaven before coming? Est-ce que tu as choisi ton nom depuis les cieux avant d'arriver? What do you have? What do you have? Qu'as-tu? That you did not receive. Maybe you have something, but you received it. Tu as peut-être quelque chose, mais tu l'as reçu. So why are you behaving as though you didn't receive it? Alors pourquoi tu te comportes comme si tu n'avais pas reçu? The story Bishop told about a man who was in an earthquake. Je me souviens de l'histoire que l'évêque a racontée d'un homme qui était dans un tremblement de terre. And he was under the building for a number of days. Il était sous le bâtiment pendant plusieurs jours. No water, no food. Il n'y avait pas d'eau ni de nourriture. For a long time, maybe, pendant longtemps. Know, a week, 2 weeks, I don't know. Peut-être une semaine ou deux, je ne sais pas. And finally, when they rescued him, et finalement, quand on l'a secouru, they asked him, "Wow, how did you manage to survive?" Et on lui a demandé, comment est-ce que tu as fait pour survivre? Parce qu'il y a des gens qui sont morts autour de toi. Il a dit, j'ai une très forte volonté, vous savez. I'm very determined. Je suis très déterminé. And when I put my mind to doing something, you know, I do it. Et quand je me mets en tête de faire quelque chose, je le fais. So my willpower kept me alive. Et ma volonté m'a gardé en vie. And then they took him to a hospital and they asked his wife, "So your husband survived for so long. What do you think was his why did he succeed? What was his secret?" Et on l'a emmené à l'hôpital, on a demandé à sa femme, ton mari a survécu pendant longtemps. Et qu'est-ce que tu crois qui était son secret? And you know what she said? Et vous savez ce qu'elle a dit? My husband has a very strong willpower. Elle a dit, mon mari a une très forte volonté. And when he wants to do something, he will do it. Et quand il veut faire quelque chose, il le fait. He will not let anything come in his way. Et il ne laissera rien être un obstacle. Husband. Ça, c'est mon mari. Hey. Mm. Okay. Okay. It's fantastic. C'est fantastique. Do you know what happened to this willpower man after a few days? C'est ce homme plein de volonté après quelques jours. He died from his injuries. Il est mort de ses blessures. What happened to his strong willpower? Qu'est-ce qui est arrivé à sa forte volonté? The willpower became weak. It was no longer strong. L'homme de forte volonté est devenu faible. That's what il n'était happens plus when fort. You trust in yourself. C'est ce qui arrive quand tu comptes sur toi-même. And in your achievements. Et en tes accomplissements. So me when I came to Ghana, I learned English. I don't know why these people cannot speak English. Et tu te dis moi quand je suis arrivée au Ghana, j'ai appris l'anglais. Je sais pas pourquoi ces personnes n'arrivent pas à apprendre l'anglais. I learned English 6 months. I went to the same school as everybody. I was able to learn English. Lady pastor, because they're lazy. Lady pastor, they don't want to work. That's why they don't speak English. Je suis allée à l'école pendant 6 mois dans les mêmes écoles et j'ai appris. Je sais pas pourquoi ils ne veulent pas parler. I'm very determined. When I go to school, I know I came to learn and I'm very focused. And I'm very focused. Je suis très déterminée, je suis venue apprendre. Quand je vais à l'école, j'apprends, je suis très focalisée. They're just playing, they're just talking, they're just enjoying themselves. Ils jouent tout simplement, ils parlent, ils se réjouissent. Ils regardent des films nigériens. They don't concentrate. Ils ne se concentrent pas. Since I came, Lady Pastor, I've not failed a single exam. Depuis que je suis arrivée, Lady Pastor, je n'ai échoué à aucun examen. My exams are very difficult. External exams from London. Mes examens sont très difficiles, des examens externes depuis Londres. And I've not failed a single one. Je n'ai pas échoué un seul. So I don't know why they're failing, Lady. Je ne sais pas pourquoi ils échouent. Maybe it's just laziness. I don't want to judge, but I think it's just laziness. Peut-être c'est juste la paresse. Je ne juge pas, mais peut-être c'est juste la paresse. Sister, sœur, just thank God. Juste rends grâce à Dieu. What have you that you did not receive? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Is it beauty? Est-ce que c'est la beauté? Because you are beautiful, nobody should come and greet you. Parce que tu es jolie, personne ne devrait te saluer. When you are coming, they should pass here. Quand tu arrives, ils doivent passer par ici. Nobody should ask you to marry them because you are beautiful. Personne ne doit te demander ta main en mariage parce que tu es jolie. Has he looked at himself? Est-ce qu'il s'est regardé avant de venir vers moi? So, but lady pastor, I mean seriously, like seriously? Oh, lady like pastor, duh. Sérieux? Say it in French. Lady Pastor, sérieux? Ah. Amen. What have you? Qu'as-tu? Even your name, you couldn't choose it. It's your father who chose it for you. Même ton nom, c'est ton père qui a choisi. Recently, I tried to change my name myself. It didn't work. Until my father changed my name for me. Récemment, j'ai essayé de changer mon nom moi-même. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que mon père le change. Amen. Amen. You may not understand what I'm saying. Vous ne comprendrez pas de quoi je parle. Amen. Amen. What have you that you don't receive, qu'as-tu my dear? Que tu n'as reçu? Why are you so proud? Pourquoi est-ce que tu es si orgueilleux? What are you so proud about? Et de quoi es-tu si you orgueilleux? Have not accomplished anything for yourself. Tu n'as rien accompli pour toi-même. Humble yourself and listen to advice. Humilie-toi et écoute les conseils. Receive, look, when somebody is preaching and you think the message doesn't concern you, don't throw it away. Quand quelqu'un prêche et tu penses que le message ne te concerne pas, ne le jette pas. Like I said last week, maybe you thought I was preaching only to ladies. Comme je disais, peut-être la semaine prochaine, tu as pensé que je parlais seulement aux filles. Because I was talking about Queen Vashti. Parce que je parlais de la reine Vashti. And I was very hard on the wives. Et j'étais très dure sur les femmes. Don't say that. Oh, this message doesn't concern me. Ne dis pas, oh, ce message ne me concerne pas. Pride concerns everybody. L'orgueil concerne tout le monde. Amen. And if you are not careful, you will marry a double Vashti. Et si tu ne fais pas attention, tu vas marier une double Vashti. So you need to listen. Any message that comes to you from the Word of God, listen. Alors tu dois écouter tout message qui vient de toi, de la parole de Dieu. And say to yourself, what is God saying to me? Et dis-toi que ça c'est Dieu qui me parle. Because you don't know everything. Parce que tu ne connais pas toutes choses. Humble yourself. Humilie-toi. And listen. Et écoute. And receive. Et reçois. And store it somewhere. Et garde in your ça heart. Quelque part dans ton cœur. One day you will need it. Un jour tu en auras besoin. Maybe even just to advise somebody. Peut-être juste pour conseiller quelqu'un. Say that, look, what you are doing is not new. Et tu diras, oh regarde ce que tu fais, c'est pas nouveau. In the Bible, there was dans a la woman Bible, just like you. Il y avait une femme juste comme toi. She didn't respect her husband. Elle ne respectait pas son mari. And this is what happened to her. Et voici ce qui lui est arrivé. Amen. Amen. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Don't be proud. Ne soyez pas orgueilleux. It won't take you anywhere. Ça ne vous emmènera nulle part. This man was a king. You are not even a king. Lui, il était roi. Toi, tu n'es même pas roi. But even him, the Bible says, what did he have? What does he have that he didn't receive? Et même lui, la Bible dit, qu'est-ce qu'il a qu'il n'ait reçu? He was king because his father was king. Il était roi parce que son père était roi. Even if he went and won a war and became a king, it's because God gave him the victory. Même s'il était parti et qu'il avait remporté une guerre, il est devenu roi. C'est parce que Dieu lui avait donné la victoire. Amen. Amen. And you know, like I said last week and the week before, comme je dis la semaine passée, la semaine précédente, you will know that somebody is suffering from pride. Tu sauras que quelqu'un souffre de l'orgueil when they fall from their position. Quand elle tombe de sa position. Amen. Amen. Nebuchadnezzar fell from his position. Nebuchadnezzar était tombé de sa position. Hallelujah. Hallelujah. Let's look at it. Verse 31. The Bible says, while the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O king Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and seven times shall pass over thee, until thou know that Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomever he will. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar. And he was driven from men, and did eat grass as oxen. And his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. Daniel 4:31. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. He didn't finish speaking, oh. Il n'avait pas fini de parler. And God said, hey. Que la voix lui a dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. He didn't finish speaking. Il n'avait même pas fini de parler. What was he saying? Qu'est-ce qu'il disait? He says, I built the kingdom. Il disait, j'ai bâti le royaume. J'ai fait ci. He did not. The Bible says, as the words were still in his mouth. La Bible dit quand les paroles étaient encore dans sa bouche. God just silenced him. He said, right now, immediately. Dieu l'a tout simplement fait taire. Things are going to change. En lui disant maintenant, les choses vont changer. The position that you are boasting about. La position pour laquelle tu t'enfles d'orgueil. The accomplishments you are boasting about. Les accomplissements pour lesquels tu t'enorgueillis. I will show you that it is I. Je te montrerai que c'est moi. King, the one I establish kings. Que c'est moi qui établis les rois. I give them the power. C'est moi qui leur donne le I pouvoir. Will show you today where power lies. Je te montrerai où se trouve la puissance. You think you're powerful? Tu penses que tu es puissant? Relax. Calme-toi. Parfois, certaines choses nous arrivent parce que Dieu essaie de nous enseigner quelque chose. Parfois, nous passons par des moments difficiles parce que Dieu a essayé d'attirer notre attention, mais nous n'écoutons pas. He was talking to you. Il te parlait. He was talking to you through your friend. Il te parlait au travers de tes frères, de tes amis. He said, "Oh, stop this thing. Look, we used to do this when we were young, but now we are growing. Stop this thing." En te disant, "Oh, arrête ces choses. Nous faisions ça quand nous étions jeunes. Maintenant, arrête." What do you say? Qu'est-ce que tu dis? He said, "Oh, since you started going to this church." Depuis que je suis arrivé dans cette église. Aren't we all going to church? Depuis que tu es arrivé dans cette église, est-ce que nous n'allons pas tous à l'église? Et tu penses que tu iras à l'église avant nous tous? Tu iras au ciel avant nous tous? Do you think you are the only one going to heaven? Oui, diront. Est-ce que tu penses que tu es la seule personne qui ira au ciel? God has been trying to get your attention for some time now. Dieu essaie d'attirer ton attention depuis un bon moment. Maybe it's your mother. Peut-être c'est au travers de ta mère. Your father. Ton père. He said, "Look, my son. I think this time you should do this." Il dit, écoute mon fils, je pense qu'en ce moment tu devrais faire ça. And you say, "Oh, this man is not spiritual." Tu dis, oh, cet homme n'est pas spirituel. It's because he's not born again. That's why he's talking like that. C'est parce qu'il n'est pas né de nouveau, c'est pourquoi il parle comme the ça. The Bible says that even a donkey, God can use a donkey to talk to you. La Bible dit que Dieu peut même utiliser un âne pour te parler. So if you don't respect your father, alors maybe si it's a donkey that you pas, respect. Ton père, peut-être que c'est l'âne que tu vas respecter. God has been trying to talk to all of us if only we take time to listen. Dieu essaie de nous parler tous si seulement nous prenions du temps pour écouter. He's been trying to warn you. He's been trying to advise you. Il essaie de t'avertir, He's de te conseiller. To coax you, to convince you. Il essaie de te convaincre. But you have been stubborn consistently over time. Et tu n'as fait qu'être têtu. Bible says the spirit of God will not fight with man forever. La Bible dit que l'esprit de Dieu ne luttera pas avec l'homme à jamais. He won't. Il ne le fera pas. It's time you sat down and listened to the advice around you. Il est grand temps que tu t'asseyes pour écouter les conseils autour de toi. The Bible says that in the multitude of counsel there is safety. La Bible dit que dans la multitude de conseils il y a le salut. You need to weigh the advice, of course. It's not everybody's advice that you should take. Tu dois peser les conseils. Ce n'est pas les conseils de tout le monde que tu devrais prendre. Is this advice biblical? Est-ce que ce conseil est biblique? Is it in line with the word of God? Est-ce que c'est en rapport or avec does la it parole go de against Dieu? The word of God? Ou est-ce que ça va contre la parole de Dieu? Amen. Amen. If the king had just taken time to listen to the prophet, si le roi avait seulement pris le temps d'écouter au prophète, the prophet gave him a solution. He says, "Turn to righteousness." Le prophète lui a donné un conseil en lui disant, tourne-toi vers la justice. And he said, "Be merciful to those who are poor." Et il a dit, sois miséricordieux envers ceux qui sont pauvres. Il a dit, I am king. Oh, je suis roi. I don't have time for poor people. Je n'ai pas le temps pour les pauvres. To show mercy. Pour être miséricordieux. It's not my fault that they are poor. C'est pas ma faute s'ils sont pauvres. I am king. Je suis roi. I deal with high things. Je traite avec les choses hautes. He refused to listen to advice. Il a refusé d'écouter les conseils. Some of you, you've been advised over and over and over again to break up with this man. Certains d'entre nous, on vous a conseillé encore et encore et encore de rompre Some of you avec have been cet homme. Told, stop doing what you are doing. Stop cheating. Stop. Stop it. Certains d'entre vous, on vous a conseillé d'arrêter ce que vous faites. Arrête de tricher. Arrête. And you are still continuing. Et are you going to wait till you catch HIV AIDS before you stop? Est-ce que tu vas attendre d'attraper le sida avant d'arrêter? Are you going to stop only when you are arrested and put in prison? Est-ce que tu vas seulement arrêter quand est-ce que tu vas mettre fin à ça quand tu seras arrêté Because et mis en prison? Because some of you are criminals. La vérité, c'est que certains d'entre vous êtes des criminels. Christian criminal. Vous êtes des chrétiens criminels. Yeah. Oui. Your behavior is totally criminal. Ton comportement est totalement criminel. Just because they have not caught you yet. C'est juste parce qu'on ne t'a pas encore arrêté. You can come to church and... Tu peux venir à l'église et... As if nothing has happened. Comme si rien ne s'était passé. Listen to advice. Écoutez les conseils. The truth is, you are young. You lack experience. You La vérité, are young. C'est que vous êtes jeune et vous manquez d'expérience. So listen to those around you. Alors écoutez ceux qui sont autour listen de vous. To your fathers, écoutez vos pères, your mothers, vos mères, the elders. Les anciens. They may not be born again. Ils ne sont peut-être pas nés de nouveau. Ils ne sont peut-être pas According chrétiens. To your standards. Selon tes standards. But there is a certain wisdom you can always take. Mais il y a une certaine sagesse que vous pouvez prendre. Tell your neighbor. So now I know that you don't know anything. Now I know that you don't know anything. Dis à ton voisin que maintenant je sais que toi tu ne sais rien. Amen. Amen. Even kings. Même les rois. Take bad decisions. Prennent les mauvaises décisions. How much more you? Combien de fois toi? The Bible says instantly he was sent to the farm. He became an animal. La Bible dit, à l'instant, il a été envoyé dans la ferme, il est devenu un animal. Not an ordinary animal, oh. Pas un animal ordinaire. But a proper animal. Un vrai animal. He was there for 7 years. Il était là-bas pendant 7 ans. The king. Le roi. People were saying, hey, the king, no, he's not king. It's him. It's him. King Nebuchadnezzar. Les gens le voyaient et disaient, oh, le roi. Et puis certains disaient, non, c'est pas lui. Et d'autres disaient, si, c'est lui, le roi de Nebuchadnezzar. Is that not the girl who used to sing in church? Oh, c'est pas la fille qui chantait souvent à l'église. Ah, but look at her. Oh, regarde là. Ah. What happened to her? Qu'est-ce qui lui est arrivé? She used to be so nice. Elle était si jolie. I remember her. Je me souviens d'elle. When the boys proposed, they should be refusing. Quand les garçons faisaient leur demande, elle refusait. Regarde là maintenant. See how she's dressed. Regarde comment elle est habillée. Oh! What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? She didn't listen to advice. Elle n'écoutait pas les conseils. She has become like an animal. Elle est devenue comme un animal. Eating grass. Elle mangeait de l'herbe. Have you eaten grass before? Est-ce que tu as déjà mangé de l'herbe? The king le roi started eating grass. A commencé à manger de l'herbe. The Bible says his hair grew like feathers. La Bible dit que ses cheveux ont poussé comme des plumes. Feathers. Comme des plumes. And his nails, see my nails, they're not long. They say it became like bird's claws. Et ses ongles sont devenus comme des griffes. Des oiseaux. Des oiseaux. Comme les ongles des oiseaux. Wow. Wow. Have you seen some ladies who let their nails grow? Or sometimes they do the extensions. Des filles qui laissent pousser leurs ongles ou elles les collent. How nasty it is. Combien de fois c'est vilain. Does anybody have something like that here? Y a-t-il quelqu'un qui a ça ici? Long nails like this. Des ongles très longs comme ça. And you ask yourself, when they go to the toilet, how do they manage? Et tu te poses la question, quand elles vont aux toilettes, comment est-ce qu'elles s'arrangent? Maybe you are too spiritual, but me when I see them, that's what I think about. Peut-être tu es trop spirituel, mais moi quand je les vois, c'est ce à quoi je pense. How do they manage? One day you injure yourself, you'll be surprised. Un jour tu vas te blesser et tu seras surprise. What a Quel choc. Amen. Amen. Nebuchadnezzar was proud. Nebuchadnezzar était orgueilleux. And after the seventh year, he came back to his senses. Et après la septième année, il est revenu. How many will agree with me that after 7 years eating grass, you will change? Combien d'entre vous sont d'accord avec moi qu'après 7 ans de consommation de d'herbe, vous allez changer? Vous serez né de nouveau encore. After 7 years eating grass. Après 7 ans. The people you were king over, they saw you eating grass. Les gens sur qui vous dominiez vous ont vu and manger l'herbe. Ils passaient à côté de oh, toi. King. Ils disaient, oh, le roi, oh. After you've eaten grass for 7 years, when you come back, you'll be humble. Après avoir mangé de l'herbe pendant 7 ans, quand tu reviendras, tu seras humble. Some of you, you will not listen to this advice. Certains d'entre vous n'écouteraient pas ce conseil. In your pride. Vous allez toujours continuer dans l'orgueil. In your stubbornness. Dans votre têtuesse. In your lack of respect for authority. Dans votre manque de respect pour l'autorité. You will continue. Vous allez continuer. In your misbehavior. Dans votre mauvais comportement. Until you have eaten grass for 7 years. Jusqu'à ce que vous ayez mangé de l'herbe pendant 7 ans. Yo, lady pastor, tu exagères. No problem. No problem. Until you have eaten grass for 7 years. Jusqu'à ce que tu aies mangé de l'herbe pendant 7 ans. You have become ridiculous to everybody. Tu es devenu ridicule aux yeux de tout le monde. That's when you come back to your senses. C'est là que tu reviendras à tes sens. And you sit down quietly with your hands on your lap. Tu t'assieras gentiment avec tes mains sur les cuisses. When the young person says, "Oh, can you do it? Oh, I'll do it." Et quand une jeune personne dira, "Est-ce que tu peux faire ça?" Tu diras, "Oh, je vais le faire." So, is there something you would like me to do for you? Tu diras, "Oh, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi?" You. Toi. But you have to eat grass before you come to your senses. Il faut que tu manges de l'herbe avant de revenir à tes sens. They have told you, you don't behave like that. Ils t'ont dit, on ne se comporte pas comme ça. Last week I was hard on the wives. I said, you don't behave like that. La semaine passée, j'étais dur sur les But femmes. J'ai dit, on ne se comporte pas comme ça. Certains d'entre vous, les jeunes femmes. And those yet to marry. Et celles qui sont sur le point you de se marier. You will do what Vashti did. You will still behave that way. Vous ferez ce que Vashti a fait. Vous comporterez toujours comme ça. Vous regarderez toujours dans le portable de vos maris. Vous chercherez toujours à voir si vous allez trouver des preuves. Vous, certains d'entre vous, frapperez toujours vos femmes. Until you eat grass for 7 years. Jusqu'à ce que vous mangiez de l'herbe pendant 7 ans. Before you say, ah, Lady Pastor said it. Avant de dire, ah, Lady Pastor l'a dit. Tell your neighbor that grass doesn't taste nice. Dis à ton voisin que l'herbe n'a pas bon goût. So don't wait till you've eaten grass. Alors n'attends pas à ce que tu manges l'herbe avant de changer. Amen. Amen. Have you eaten grass before? Est-ce que vous avez déjà mangé de l'herbe? Hein? Feuille de manioc. Oh, why? In Ghana, we don't eat feuilles de manioc. Au Ghana, nous ne mangeons pas les feuilles de manioc. We don't eat cassava leaves. Nous ne mangeons pas les eat feuilles de manioc. Cassava leaves in Ivory Coast. Vous mangez les feuilles de manioc au Congo? It's only a certain type of creature that eats cassava leaves. In Ghana. Au Ghana, c'est juste un genre de créature qui mange les feuilles de manioc. But it's not a human being. forgive. Just like I'm sure in your country too, you don't eat wele. Do you know wele? Just comme dans vos pays, vous ne mangez pas la peau de bœuf. I don't know anybody who eats wele apart from Ghana. Maybe Nigeria. Je ne connais pas d'autres personnes qui mangent la peau de bœuf. Do you know what is wele? Est-ce que vous connaissez wele, la peau de bœuf? Hey, only in Africa we eat wele. C'est juste en Afrique qu'on mange ça. In Europe, they use it to make shoes. En Europe, ils utilisent ça pour faire des chaussures. We eat it. Nous mangeons ça. There is no, let me tell you, there is no nutritional value in wele, not even one. Il n'y a aucune valeur nutritionnelle dans la peau de bœuf. Not one. Même it pas is not, une. You don't get protein, you don't get vitamin. You don't get vous n'aurez pas calcium, de protéines, vous n'aurez pas de vitamines, vous n'aurez pas iron, de calcium, vous n'aurez pas le fer. It's better to drink water. Il est mieux de boire de l'eau. It doesn't have taste. You can boil it, pepper. What? There's no taste. Il n'y a pas de goût. Vous pouvez bouillir, vous pouvez pimenter. Il n'y a pas de goût. People are making shoes and selling the shoe for $100, $500. Les gens font utilisent ça pour faire des chaussures et les vendent à $100. You are eating it. Vous mangez ça. And you wonder why your country doesn't develop. Et vous demandez pourquoi votre pays n'est pas développé. Forgive. Amen. Amen. A word to the wise. The Bible says we must listen to our pastors. Listen to people in authority. La Bible dit que nous devons écouter nos pasteurs, écouter ceux qui sont en autorité sur nous. Except there was, let me just end with this story. Have you heard of Naaman the leper? Est-ce que vous avez entendu parler du lépreux Naaman? He was a very important man in his time. C'était un homme très important en son temps. But the Bible, he was a mighty man of war. C'était un guerrier puissant. And the Bible tells us, but he was a leper. La Bible dit mais il était lépreux. To get his healing, he had to humble himself. Pour avoir sa guérison, il devait s'humilier. And listen to his servant. Et écouter sa servante. Not even his servant, his wife's servant. Pas sa servante, la servante de sa femme. Small girl. Une petite fille. If he had not humbled himself to listen to this small girl, he would still be a leper. S'il ne s'était pas humilié pour écouter cette petite fille, il serait toujours lépreux. If he would be alive, he would still be a leper. S'il était en vie, il serait toujours lépreux. But he listened to a little servant girl. Mais il a écouté la voix d'une petite servante. And after he listened to the servant, he also listened to the prophet who told him to do something very ridiculous. Et après avoir écouté la jeune fille, il a aussi écouté un prophète qui lui a dit de faire quelque chose de très ridicule. I tell you, look, there's a certain river in Kolegono. It's called Kole Lagoon. Si je te dis, il y a une rivière à Kolegono appelée Kole Lagoon. Go and bath in it. Va te laver dedans. If you are not humble, you will not receive that instruction. Si tu n'es pas humble, tu ne vas pas recevoir cette Alleluia. Instruction. Alléluia. I'm not saying go and bath in any lagoon, please. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous laver dans une lagune, s'il vous plaît. But let's not wait till we are reduced to nothing. Mais n'attendons pas que nous soyons réduits au néant. Before we receive wisdom. Avant de recevoir la sagesse. The Bible says if any of you lack wisdom. La Bible dit si quelqu'un manque de sagesse. Ask for it. Qu'elle la demande. It's not difficult to ask for it. C'est pas difficile de demander. But God will give it to you. Dieu vous la donnera. He wants to give it to you. Il veut vous la donner. But you have to ask for it. Mais vous devez demander. Some of you by the decisions you take. Certains d'entre vous, par les décisions que vous prenez, I can see that you lack wisdom. Je peux voir que vous manquez de sagesse. Trop même. Too much. Trop même. You lack wisdom completely. Vous manquez de sagesse complètement. When they advise you, you get angry. Quand on vous conseille, when vous mettez en colère. Your shepherds, because you see them in class, when they come to advise you, you get angry. Vos bergers, parce que vous les voyez en classe, quand ils viennent vous donner des conseils, vous vous mettez en colère. God is trying to get your attention. Dieu essaie d'attirer ton attention. Anytime somebody comes to speak to you, à chaque fois que quelqu'un vient te parler, ask yourself, pose-toi la question. What are they saying? Qu'est-ce qu'ils disent? Don't get angry. Ne te mets pas Don't en colère. Manifest pride. Ne manifeste pas l'orgueil. Just ask yourself, what are they? What apart from the words they are speaking, what is the message? Et pose-toi la question, à part les paroles qui sortent, quel est le message? Because sometimes when the word comes, maybe the way they are saying it will annoy you. Parce que parfois, quand la parole vient, la manière de la dire va peut-être vous mettre en colère. So you will not receive the message. Alors tu ne vas pas recevoir le message. But take time, just listen. Juste prends du temps et écoute. And then go and weigh the words and say, listen, what did he say? Et va peser la parole en te disant qu'est-ce qu'il a what dit? What did she say? Qu'est-ce qu'elle a dit? Is there any truth? Y a-t-il une vérité? Is there any thing I can receive from there? Y a-t-il quelque chose que je puisse recevoir de là? What does God want me to know? Qu'est-ce que Dieu veut que je sache? If it's not of you, God, then please let me forget it before I wake up. Et si ce n'est pas de toi, Seigneur, que j'oublie avant de me réveiller. Amen. No matter how foolish the person looks to you. Quel que soit le niveau de folie à laquelle la personne apparaît. You can receive wisdom from that person. Vous pouvez recevoir de la sagesse de cette personne. When you see somebody at the traffic lights begging. Quand vous voyez un mendiant au feu tricolore. God is trying to speak to you. Dieu essaie de vous parler. It's like if you are not wise. Il te dit si tu n'es pas sage. You can easily end up. Tu peux facilement finir. If you don't go to school and finish your school properly. Si tu ne vas pas à l'école et que tu ne finis pas tes études normalement. You can easily end up. If you see a madman walking and he has no clothes on, he's going. Si vous voyez un fou qui marche, il n'a pas d'habit, il va à cercle. You can receive wisdom. Vous pouvez apprendre. And tell yourself, if I continue to smoke weed, I will get crazy. Vous disant si je continue à fumer du chanvre. Because some of you, I think one or two of you, one or two of you. Parce que ceux d'entre vous, je pense. One or two, un if not ou three deux. Or four. sinon deux ou trois. Have been experimenting with weed. Weed. Do you know weed? Font des expériences avec le chanvre. Maybe five or six even. Peut-être cinq ou six. The way they are not looking at my face. La façon dont ils refusent de regarder mon visage. Oh, lady pastor, once in a while, just, you know, just to relax. Sometimes the tension and. Yo, lady pastor, une fois en passant, juste pour me détendre. Just to relax a bit, you know, it's like the stress and the stress. Juste pour relaxer, tu sais, le stress, le stress. Oh, oh. I see. Je vois. The madman, when he started, it was also le to fou, distress. Quand il a commencé, c'était pour déstresser. Now he's so stressed, he can walk from Achimota to Circle. He's not wearing anything. Ça veut dire qu'il n'est pas stressé. Il peut marcher d'Achimota à Cher. Stress free. Il ne porte rien. Stress free. Il est sans stress. He doesn't have any electricity bill to pay. Il n'a pas de facture d'électricité à payer. Stress free. Il ne stresse pas. Over stress free. A wisdom. You can get wisdom from anybody. Et vous pouvez obtenir de la anybody, sagesse de tout le monde. Anybody. Tout le monde. Bishop, am I lying? You can get wisdom from anything you see, anybody. Vous pouvez obtenir la sagesse de tout ce que vous voyez, de so toutes les personnes. Your pastor has time for you. Et si votre pasteur a du temps pour vous. And says Aurélie. En vous disant Aurélie. I think if you do this, it will work. Je pense que si tu fais ça, ça va marcher. And you don't get angry. Et tu ne te mets pas en colère. Like last time, when was I talking about when you bath, you should use lemon and when was I? I forgot. Was it last Sunday? Quand est-ce que je parlais de quand on utilise du citron, quand on se lave, il faut utiliser du citron. Third service last week. You remember? Anyway, I gave some advice. De toutes les façons, j'ai donné un conseil. Somebody could have been annoyed. Quelqu'un aurait pu être en colère. She says, look at this anglophone, and they think they are better, and this one. You could have been angry. En se disant ces anglophones, ils pensent qu'ils sont meilleurs. People send me text messages and said thank you. Certaines personnes m'ont envoyé des messages en disant merci. You can receive advice from anybody. Tu peux recevoir des conseils de tout le monde. Even if you think the person is a fool. Même si tu penses que la personne est insensée. Amen. Amen. In the multitude of counsel. Dans la multitude de conseils. There is safety. Stand to your feet. Levez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. Hallelujah. So thank God for this time. Rendons grâce à Dieu pour ces moments. Just open your mouth and thank God. Juste ouvre ta for the bouche spirit et rends of wisdom. Grâce à Dieu. Pray, pour l'esprit pray de sagesse. That God will give you the spirit of wisdom. Prie que Dieu te donne l'esprit de sagesse. Pray. God says if you ask for it, he will give it to you. Dieu dit que si tu demandes, il va te la donner. If you ask for it, he will give it to you. Si tu demandes, il va te donner. If I were you, I would ask God. Si j'étais toi, je demanderais à Dieu. Say, God, I'm tired of taking wrong decisions. Tu diras, Seigneur, je suis fatigué de prendre les mauvaises décisions. I'm tired of following after vain things. Je suis fatigué de suivre les choses vaines. Oh God. Oh Seigneur. May the spirit of the Lord rest upon me. Que l'esprit de l'Éternel repose sur moi. The spirit of wisdom and understanding. L'esprit de sagesse et d'intelligence. The spirit of counsel and of might. L'esprit de conseil et de force. The spirit of knowledge and the fear of the Lord. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. May these seven spirits rest upon me. Que ces sept esprits reposent sur moi. Oh God, I want to be wise. Oh Seigneur, j'aimerais être sage. I want to be wise. Je veux être sage. Oh God, fill me with your wisdom. Oh Seigneur, remplis-moi de ta wisdom sagesse. Wisdom that comes from above. Remplis-moi de la sagesse qui vient d'en haut. I don't want to eat grass. Je ne veux pas manger de l'herbe. I don't want to be to nothing. Je ne veux être réduite au néant. Before I learn something. Avant d'apprendre quelque chose. Father, forgive me. Père, pardonne-moi. For how stubborn I have been. Pour le fait que j'ai été têtue. Forgive me. Pardonne-moi. For not listening to advice. De n'avoir pas écouté les conseils. Forgive me. Pardonne-moi. For my pride. Pour mon orgueil. Father, tonight. Père, ce soir, I humble myself, je m'humilie, and I say thank you. Et je dis merci. Thank you for speaking to me. Merci de m'avoir parlé. Thank you for speaking to my heart. Merci d'avoir parlé à from mon cœur. Tonight, à partir de ce soir, I will listen to advice. Je vais écouter les conseils. I will receive advice. Je recevrai les conseils. From everywhere. De partout. I will receive advice. Je recevrai les conseils. And I will weigh the advice. Et je vais peser les conseils. And Pray about the advice. Et priez concernant les conseils. Father, help me. Père, aide-moi. Help me, oh God. Aide-moi, oh Dieu. I need to be more humble. J'aimerais être plus humble. I want to be more like Jesus. Je veux être plus comme Jésus. I want to be more like Jesus. Je veux être plus comme Jésus. I want to be more like Jesus. Je veux être plus comme Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. For this word. Pour cette parole. Thank you, Father. Merci, Père. For changing my life. D'avoir changé ma vie. Thank you, Father, for saving me. Merci Père de m'avoir sauvé. The spirit of madness. De l'esprit de folie. And the disgrace. Et de honte. That was waiting for me. Qui m'attendait. Lord, I thank you so much. Père, je te remercie. Thank you for this time and your presence, Lord. Father, I thank you that you have spoken to us clearly concerning our pride. Father, I pray that each one of us will receive your wisdom. For the days ahead, O God. May we not wait till we fall by the wayside, that we enter into diverse problems before we recognize your voice. Open our eyes, O God. Open our ears to see when it is you speaking, Lord. Father, we thank you. Thank you for your love for us. Thank you that you love us so much that you send forth your word to heal us of our diseases. And of our infirmities, to heal us of our foolishness and our lack of wisdom. Thank you, Father, for your spoken word. We pray that as we leave this place, O God, your word will not leave us, that your word will be hidden in our hearts, that we may not sin against thee. Thank you, Father, for this time. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. I want to pray for you tonight. J'aimerais prier pour toi ce soir. If you are here, si tu es ici, and you don't know Jesus as your Lord and Savior, et tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, you have never taken a decision, tu n'as jamais pris la décision, to give him your heart, de lui donner ton cœur, to give him control of your life, de lui donner le contrôle de ta vie. Tonight, ce soir, as we are here about to close, alors que nous sommes sur le point de terminer, you want to say, Lady Pastor. Je veux dire, Lady Pastor, if I die today, si je meurs ce soir, I don't know if I'll go to heaven or hell. Je ne sais pas si j'irai au ciel ou en enfer. If I die today, si je meurs ce soir, I don't know what will happen to me. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. I want you to pray for me. J'aimerais que tu pries pour moi. I want Jesus to be the Lord of my life. J'aimerais que Jésus soit le maître de ma vie. I want to have a personal relationship with God. J'aimerais avoir une relation personnelle avec Dieu. I want to know that I am saved. J'aimerais savoir que je suis sauvé. My brother, my sister, I want to pray for you. Mon frère, ma sœur, j'aimerais prier. The Bible says that if a man is not born again, he cannot see the kingdom of God. La Bible dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tonight, ce soir, I want to pray with you to be born again. J'aimerais prier avec toi pour que tu naisses de nouveau. If you want me to pray for you, just lift up your hand. Si tu veux que je prie pour toi, juste lève ta main. Just want to give your life to Jesus tonight. Tu veux donner ta vie à Jésus ce soir. You want to say, Father, I need you in my life. Tu veux dire, Père, j'ai besoin de toi dans ma vie. Forgive me for my sins. Pardonne-moi pour mes péchés. Make me a new creature. Fais de moi une nouvelle créature. Make me what you want me to be. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Just lift up your hand, I will pray with you. Juste lève ta main, j'aimerais prier pour toi. Just give your life to Jesus tonight. Je veux donner ta vie à Jésus ce soir. And be saved. Et être sauvé. Just lift up your hand and let me pray with you. Juste lève ta main et je vais prier pour toi. You want to say, Father, forgive me for my sins. Je veux dire, Père, pardonne-moi de mes péchés. I want to be born again. Je veux être né de nouveau. I want you to wash me by your blood. J'aimerais que tu me laves par ton sang. Please lift up your hand. S'il te plaît, lève ta main. Is there somebody who's lifted up their hand tonight? Y a-t-il quelqu'un qui a levé sa main ce soir? All right. Let us pray. Prions. Heavenly Father, thank you for this time in your presence. Thank you, O God, for your love. Thank you, Father, for your care for us. You are concerned about us. That is why you send your word. Tonight, O God, I pray for your children. I pray that this word will not leave them. This word will be engrafted in their hearts, O God, that they may not sin against thee. Help them to stand firm against the enemy and fill them with the spirit of wisdom that comes from above, not the one that is earthly, sensual, and devilish, but, Lord, the one that is from you. Thank you, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Say amen. Amen. And put your hands.